بسم الله الرحمن الرحيم. ندخل اليوم في الحديث الأول بعد المئة. Centième حديث, qui est le premier حديث de ce chapitre de la prosternation de distraction, dont on a parlé des règles précédemment. Brièvement. يقول عن محمد بن سيرين رحمه الله عن أبي هريرة رضي الله عنه قال صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم إحدى صلاتي العشاء. وقال ابن سيرين وسمها أبو هريرة ولكن نسيت أنا. Donc selon Mohammed ibn Sirin, selon Abu Huraira, il a dit que le Nabi sallallahu alayhi wa sallam nous a fait une des salats du Isha. Ou plutôt l'Ashi. Non, dans mon livre il n'y a pas de point, j'ai mal lu. C'est l'Ashi. C'est l'Ashi, non pas l'Isha. Al-Ashi et l'Ashi, ce sont les salates de soit le Dhor ou soit le Asr, l'une des deux. Donc il dit que Abu Huraira l'a nommé, mais moi j'ai oublié. Est-ce que c'était le Dhor ou le Asr? Qala fa salla bina rakatayn thumma sallam. Fa qama al-khabasha ou khashaba ma'ruda fi al-masjid. Fattaka 'alayha kannahu ghadban. Wa wada'a yadahu al-yumna 'ala al-yusra wa shabaka bina asabi'i. Donc il a dit le Nabi sallallahu alayhi wa sallam qu'il a fait deux rakat, après il a fait le taslim. Après il s'est levé, se dirigeant vers un bout de bois qui était posé dans le masjid. Et il s'est reposé dessus. Il s'est appuyé dessus comme s'il était en colère. Et qu'il a posé sa main droite sur sa main gauche en croisant entre ses doigts. « Wa kharajat sul'an min abwab al-masjid. Faqalu aqsirat as-salah. » وفي الكوم أبو بكر وعمر فهاب أن يكلماه وفي الكوم رجل في يديه طول يقول له ذو اليدين. Donc après les gens sont sortis très rapidement du masjid tout en se questionnant, s'interrogeant est-ce que la salat était réduite, et parmi eux il y avait Abu Bakr et Omar, et qu'ils n'ont pas voulu parler au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et parmi ces gens-là il y avait un homme qui avait des mains longues qui était appelé ذو اليدين, c'est-à-dire celui des deux mains, pour dire qu'il avait deux mains longues. فَقَالَ يَا رَسُولُ اللَّهِ أَنَسِيتَ أَمْ قُصِرَتِ الصَّلَةِ فَقَالَ لَمْ أَنْسَ وَلَمْ تُكَسَّرْ فَقَالَ أَكَمَا يَقُلْ ذُو الْيَدَيْنِ قَالُوا نَعَمْ. Donc le ذو الْيَدَيْنِ, il a dit au Nabi sallallahu alayhi wa sallam, au messager d'Allah, as-tu oublié ou bien est-ce que la salat a été réduite? Il a dit, je n'ai ni oublié et ni elle a été réduite. Après il a dit aux gens, est-ce que c'est comme ذو الْيَدَيْنِ l'a dit? Et ils ont dit oui. فَتَقَدَّمَ فَصَلَّ مَا تَرَكَ ثُمَّ سَلَّمَ ثُمَّ كَبَّرَ وَسَجَدَ مِثْلَ سُجُودِهِ أَوْ أَطْوَلَ ثُمَّ رَفَعَ رَأْسَهُ فَكَبَّرَ ثُمَّ كَبَّرَ وَسَجَدَ مِثْلَ سُجُودِهِ أَوْ أَطْوَلَ ثُمَّ رَفَعَ رَأْسَهُ وَكَبَّرَ فَرُبَّمَا سَأَلُوهُ ثُمَّ سَلَّمَ. Donc il a dit à ce moment-là, le Nabi sallam a fait la salat et a rattrapé ce qu'il a délaissé. Ensuite, il a fait le salam. Ensuite, il a fait le takbir. Ensuite, il s'est prosterné. Comme son sujoud précédent, ou peut-être un peu plus long. Ensuite, il a relevé la tête. Ensuite, il a fait le takbir. Après, il a refait le takbir. Après, il s'est reprosterné. Comme son sujoud précédent. Après, il a relevé la tête. Et il a fait le takbir. Il a dit فَرُبَّمَا سَأَلُوهُ et ثُمَّ سَلَّمْ, et après il a fait le taslim. وَاكَذَا. Non, donc ça veut dire le Nabi sallam, il a fait ce qu'il avait à faire dans la salat, il a oublié, c'est-à-dire il manquait deux rakat. Après, à la fin, il a fait quoi? Après son tashahhud, il a fait un soujoud, il a fait le takbir, il a fait un soujoud, il a relevé la tête en faisant le takbir, il a refait un takbir, il s'est prosterné, il a refait un takbir, il s'est relevé de sa prosternation, et là il a fait son taslim. Wa'akada. Quand le fadilat al-Sheikh ibn al-Uthaymin, un riwayan Mohamed ibn Sirin, Mawla Anas ibn Malik, Thika, Thabt, ibn al-Tabi'in, Mata Sanat, Wa'ash, Wa Mia. Donc Mohamed ibn Sirin, qui était justement un esclave affranchi de Anas bin Malik. Maoulès, c'est soit l'esclave affranchi, ou soit alors celui qui s'est converti par sa cause. Et c'est un homme qui était justement fiable, qui était ferme parmi les tabi'in. Il est mort en l'an 110. Et deuxième, c'est Abu Huraira, dont on a déjà parlé auparavant. Yaqul Mourdou al-Hadith, le sujet du Hadith, Bayan Hukm Man Sallama Nasiyan, comme une tamam al-Salah. Maintenant, c'est le jugement de celui qui aura fait le taslim avant qu'il ait fini la salat, par oubli. C'est-à-dire qu'il a réduit de sa salat. Yaqulu fil Shahr al-Ijmali. L'explication globale du Hadith. Donc là, après, comme le hadith était un peu long, il cite le hadith à nouveau. D'accord? Il cite le hadith à nouveau. En précisant que, au moment où les gens sont sortis de la salat, قَالَ خَرَجَ الْمُسْلِعُونَ مِنْ أَبْوَابِ الْمَسْجِدِ يَسْتَفْهَمْ بَعْضُهُمْ بَعْضُ مِنْهُمْ وَيُكَرِّرُ الْبَعْضُ الْآخَرُ. Donc là, les gens sont sortis rapidement, c'est-à-dire une fois que l'ami sallam était avec fini la salat, qu'il s'est mis sur le bout de bois et qu'il a croisé entre ses doigts ou à Kaza, que les gens sont sortis du masjid en s'interrogeant. Est-ce qu'il y avait un manque ou s'il y avait un Nabi Salam a oublié. Voilà Murtor Bibalihim en Nabi Salam Nasiya. Wahab Nas en Yukalimun Nabi Salam. Et là, les gens n'ont pas pensé à l'instant que le Nabi Salam aurait pu avoir oublié. Pour eux, ils se sont dit que la salat, c'est comme ça qu'elle a été révélée cette fois-ci, elle a été réduite. Et n'ont pas voulu interroger le Nabi sallallahu alayhi wa sallam. Jalalan wa ta'zima nasiyama wa qad shahadu minhu ala ta'athur wal inqibad hatta kallamahu rajul yad'u. Donc ils n'ont pas parlé, pourquoi? Par respect pour lui. D'accord? Par respect pour lui, surtout qu'ils ont vu qu'il était comme s'il avait été affecté par cet acte. C'est-à-dire cette réduction de la salat. Donc, personne ne lui a parlé, jusqu'à ce que justement cet homme qui s'appelle Zuliadein lui parla. Et Zuliadein, c'était un surnom qu'il avait qui était connu auprès des gens. Donc ce n'est pas du riba ou quoi, c'est une chose que lui il a accepté. S'il n'avait pas accepté, ce n'aurait pas été permis de l'appeler de la sorte, parce qu'il avait des mains qui étaient longues. Et comme il a accepté, il était connu pour cela, et que lui ne voyait pas de grief en cela, ce n'est pas du riba, c'est un surnom. Taïeb. Faqala ya Rasulullah, ana sita am kusrat as-salah. Wa lam yajzam bi ahadihima. لأن كل واحد منهما محتمل في ذلك العهد ولم يذكر الاحتمال الثالث أن يكون سلم قبل تمامها عامدا ذاكرا لأنه يحتمل في حق النبي صلى الله عليه وسلم. Donc il a dit au messager d'Allah, as-tu oublié ou est-ce que la salat a été réduite? Et cet homme-là n'a confirmé aucun des deux. Il l'a fait comme si c'était une hypothèse. Car les deux étaient envisageables à leur époque. Et il n'a pas suggéré la troisième hypothèse, qui était qu'il se peut que le Nabi sallallahu alayhi wa sallam ait fait le taslim volontairement. Car cela n'est pas possible venant du Nabi sallallahu alayhi wa sallam. Bon, le chien, il a dit comme ça, j'ai pas bien compris. Quoi qu'il en soit, قَالَ فَنَفَى النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كُلًّا مِنْهُمَا وَكَانَ نَفِيُهُ لِلْإِنْسِيَانِ بِنَاءً عَلَى ظَنِّهِ أَنَّهُ تَمَّ صَلَاتَهُ وَنَفِيَهُ لِقَصْرِ الصَّلَاةِ بِنَاءً عَلَى يَقِينِهِ أَنَّ حُكْمَ إِتْمَامِ الصَّلَاةِ لَمْ يَتَغَيَّرْ فَلَمَّا انْتَفَى الْقَصْرُ عَنْ يَقِينٍ تَعَيَّنَ أَنْ يَكُونَ نَاسِيًا. Donc il a dit le Nabi sallam, lui, a nié les deux hypothèses faites par Zuliadain. Le fait qu'il ait nié l'oubli, c'est parce qu'il pensait que lui, qu'il avait fait une salat complète. Et le fait qu'il ait nié que la salat ait été réduite, c'est parce qu'il sait qu'il n'y a aucun jugement nouveau qui soit arrivé qui ait amené à abroger le nombre de rakat à faire dans la salat. Donc, après cela, il ne restait que, parmi ces deux hypothèses, une seule qui pouvait être probable, c'est le fait qu'il ait oublié. Donc, de là, ولهذا قال ذو اليدين بلى قد نسيت يا رسول الله فسأل النبي صلى الله عليه وسلم الصحابه عن قوله ولم ياخذ به لانه يعارض ما كان يظنه من اتمام الصلاه فطلب النبي صلى الله عليه وسلم ما يرجح قوله. فلما أثبت الصحابة ما قال ذو اليدين تقدم. Donc là, ذو اليدين, il a dit, si, tu as oublié, alors le Nabi. Et le Nabi Salam a interrogé les compagnons pour confirmer la parole de ذو اليدين. Car lui, au début, n'en a pas été convaincu du fait qu'il était sûr au fond de lui de ne pas avoir oublié. D'avoir fait une salade complète. Donc lorsque les Sahaba ont confirmé la parole de ذو اليدين, là, il s'est avancé. من مقامه عند الخشبة إلى مكان مصلاه وصلى ما بقي من صلاته. Donc là, il s'est avancé vers le lieu où il a fait la salat, et là, il a complété ce qu'il avait oublié de sa salat. وسلم ثم سجد سجدتين يكبر فيهما عند السجود وعند الرفع بسجوده في الصلاة أو أطول ثم سلم ولم يسجد قبل السلام لئلا يجتمع في الصلاة زيارة. زيارة السلام في أثنائها وزيارة سجدتي السجود أو السهو سجدتي السهو. Donc là, le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il s'est avancé et après cela, il a fait ces deux prosternations de distraction. Comme il a fait pour la salat, c'est-à-dire avant la prosternation, il fait un takbir, il se prosterne, il se relève, il fait un takbir, et avant l'autre prosternation, il refait un takbir, il se prosterne, il se relève, il fait un takbir, et là, il fait le salam. Et là, il fait le salam. وهكذا. طيب. قال من فوائد الحديث enseignement du hadith. Le chir dit que dans ce hadith-là, les ulama ont déduit au moins au plus de 150 faïda, enseignements utiles et règles. Parmi elles, ils lui ont cité seulement 7, pour résumer. يقول وقوع النسيان من النبي صلى الله عليه وسلم لأنه بشر والنسيان من طبيعة البشر لكن لا يستمر على ذلك على وجه يخالف ما يقتضيه البراغ. Donc il est possible que le Nabi Salam puisse oublier car il est un être humain. Et l'être humain est amené à oublier. Cependant, cet oubli ne perdure pas au point de s'opposer à ce qu'implique la retransmission du message. C'est-à-dire un oubli est vite rattrapé et vite corrigé. ثانياً عظمة النبي صلى الله عليه وسلم وهيبته في قلوب الصحابة. Ce qui montre la grandeur et la révérence qu'ils avaient pour lui, les Sahaba. Du fait qu'ils n'ont pas interrogé. Ils n'ont pas osé l'interroger. ثالثاً أن من سلم ناسياً قبل تمام صلاته ثم ذكر أو ذكر قريباً وجب عليه إتمامها فوراً ولا يمنع من ذلك كلامه أو انتقاله من وضعه قبل أن يتيقن أن الصلاة لم تتم. Que celui qui a fait le salam, c'est-à-dire en oubliant, c'est-à-dire il a oublié des choses de la salat, avant d'avoir complété la salat, et qu'il s'en rappelle par la suite, et qu'il est encore proche, il doit immédiatement compléter ce qui lui manque, même s'il a parlé entre temps ou qu'il s'est déplacé. D'accord ? Même s'il a déjà parlé entre temps, qu'il s'est déplacé, il doit obligatoirement et immédiatement rattraper ce qu'il a manqué, et par la suite faire les deux prosternations de distraction. Rabi'an, wujud sajdatayn sahu. على من سلم نسيا قبل تمام صلاته يكبر عند السجود والرفع منه ويسلم بعدهما ومحل سجود بعد سلامه من الصلاة. Donc celui qui a oublié, il doit faire ce qu'on appelle les deux prosternations de distraction. Pour celui qui aura fait salam en oubliant des choses de la salat. D'accord ? Avec le takbir avant chaque prosternation et en se relevant de chaque prosternation. خامساً أن الإمام لا يرجع إلى كل واحد من المؤمنين إذا كان يظن خلافه حتى يتثبت من غيره. Et que l'imam n'a pas à revenir vers la parole d'un des croyants si jamais il pense le contraire tant qu'il n'a pas vu confirmation auprès des autres. C'est-à-dire il lui a fait une chose, il est sûr de ce qu'il a fait, quelqu'un lui affirme le contraire, il ne prend pas directement son avis en compte, non pas du fait qu'il doute de lui, mais que lui au fond de lui, il est certain qu'il n'a pas fait ce qu'on lui a dit. Mais il vérifie quand même. Il vérifie auprès des autres, et là, s'il s'avère que ce que la personne lui a dit est vrai, alors il agit en conséquence. Sadisan, Jawaz Tashbik El Asabir fil Masjid Bard Salat, qui lui permet de croiser les doigts dans le Masjid après la Salat. Sabiran, Jawaz Dikr El Insan Bi Lakabi, Idekena La Yakra, qui lui permet à la personne d'être nommée par un surnom s'il ne déteste pas cela, comme c'était le cas de ذو اليدين. وهذا الذي أخذنا اليوم من الحديث والحمد لله رب العالمين.